Dans un récent communiqué, la corporation Cisco évoquait la nécessité de détourner la route 117 qui traverse la ville de Malartic, et ce, dans le but d'exploiter dès 2013 le secteur South Barnat. Oui, une analyse révèle en fait que quelques 2 millions d'onces d'or se trouvent sur ce terrain. Le projet de détourner la route n'est certainement pas sans interpeller le maire de la ville, M. André Vezeau, avec qui je m'entretiens à l'instant. Bonjour, M. Vezeau. Bonjour, mademoiselle. Donc, dites-moi, le détour de la 117, c'est pas nécessairement un projet auquel vous vous opposez? Non, on s'oppose pas vraiment à ce projet-là, en autant que nos demandes soient comprises et appréciées à leur juste valeur. C'est ça, vous avez des attentes, donc, qui sont bien précises. Quelles sont-elles, exactement? Nous, ce qu'on demande, c'est que la déviation fasse en sorte que la route 117 revienne dans la ville de Malartic, à le même endroit où est-ce qu'elle est présentement. Est-ce que ça fait partie, vous me disiez qu'il y a trois scénarios de déviation qui sont étudiés en ce moment par le ministère des Transports. Est-ce que ça fait partie de ces scénarios-là? Exactement. Les trois scénarios ont la même entrée, c'est-à-dire que ça revient exactement où c'était. C'est au niveau de la courbe à donner à la déviation qui pose problème, mais qui est à l'étude. D'accord. Il y a quand même une rumeur, ou enfin des informations qui circulent à l'effet qu'il est quand même possible que la route 117, plutôt que de traverser la ville, contourne la ville, ce qui ferait qu'elle rejoindrait directement, si on veut, la route qui mène à Rivière-Eva. Pourquoi c'est un scénario que vous ne voulez pas accepter? Bon, premièrement, ça, c'est une rumeur qui date d'à peu près 25 ans, okay. Qui n'a pas lâché, c'est tough. Pourquoi? Mais peut-être parce que certains automobilistes aussi, ou voyageurs qui empruntent cette route-là, diraient pas non au fait de parcourir un petit peu moins de kilomètres. Probablement que certains, oui, ça ferait leurs affaires. Mais au niveau de l'énergie de Malartic, du centre-ville de Malartic, des commerçants de Malartic, je pense pas que ce serait la meilleure chose de dévier la route comme ça. Parce qu'il y a quand même au niveau économique de Malartic, beaucoup qui vient du... que nous, on appelle du passant, des gens qui passent à Malartic. Fait qu'en la déviant complètement, on perdrait tout ça. Avez-vous des données sur les retombées que ça représente pour la ville? Il y a une étude là-dessus qui est en cours, mais on parle de facilement de 30 à 40 des chiffres d'affaires de certains commerces. D'accord. Quant au projet lui-même de déviation de la route, est-ce que vous avez une idée des coûts qui seraient associés à ce projet-là? C'est ce qui est à l'étude actuellement au niveau et des coûts et de l'agent payeur. Oui, parce que est-ce que c'est les contribuables qui paieraient majoritairement ces frais-là? Non, actuellement, à l'état actuel des choses, c'est que ce serait plus la minière qui serait due à défrayer ces coûts-là. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de l'échéancier? Dans le communiqué de Cisco, on parlait de la possibilité d'exploiter le secteur South Barnat d'ici 2013. Est-ce que c'est l'échéancier qui est proposé pour la déviation de la route aussi? Actuellement, oui, c'est exactement les dates qui sont. OK. Il y a d'autres plans de réfection assez majeurs dans votre ville. Parlez-moi sur la rue Royale, cette idée de nouvelle lumière, si on veut, de feux de circulation et un carrefour giratoire également. Pourquoi? Bien, c'est ça. Actuellement, avec tout ce qui s'est passé, le fait de changer un quartier complet de place, les lumières les feux de circulation actuels ne sont plus à la bonne place. Il faut en changer deux. Il faut en rajouter un au moins pour la nouvelle partie. Et aussi, il faut regarder la sécurité des gens du fait que la route 117 arrive où est-ce qu'il y a les nouvelles écoles, arrive où est-ce qu'il y a le nouveau quartier. Et il faut aussi ralentir à cet endroit-là la circulation. Donc, à cet endroit-là, ce serait un carrefour giratoire qui est privilégié. D'accord. Au sujet de la déviation de la route 117, est-ce qu'on peut s'attendre au cours des prochains mois, prochaines années, à ce que la population ait également à se prononcer? Oui, les gens vont être consultés. Ils vont surtout avoir... écoute, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ce serait possible qu'un jour le 117 passe complètement à côté de l'article? Ça va être, c'est dans l'étude. Les gens vont être consultés pour cette étude-là, à donner leur avis aussi. Là, pour vraiment définir, parce que si on dit dans 5 ans ou dans 10 ans, on tasse le 117 de place complètement, je pense pas que la ville de Malartic serait intéressée à investir 7-8 millions dans la réfection des feux de circulation du centre-ville. C'est ça. Monsieur André Vezeau, maire de Malartic, merci beaucoup pour cet entretien. Ça fait plaisir. Bonne journée.